Ce fut un soulagement pour lui, car les soirées de Madame d'Ambroise recommencèrent. Celle-là, au moins, l'amusait. Une maîtresse comme Madame d'Ambroise le poserait. Il se mit à faire tout ce qu'il faut. Il n'éprouvait pas à ses côtés ce ravissement de tout son être qu'il emportait chez Madame Arnoux, ni le désordre gai où l'avait mis d'abord aux Annettes. Mais il la convoitait comme une chose anormale et difficile, parce qu'elle était noble, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était dévote. Un soir, il se mit à genoux, prit sa main et lui jura un amour éternel. Puis, comme il partait, elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas « Revenez dîner, nous serons seuls. » Il semblait à Frédéric, en descendant l'escalier, qu'il était devenu notre homme, qu'il entrait définitivement dans le monde supérieur des adultères patriciens et de hautes intrigues. Son cœur débordait d'orgueil. Sur le trottoir, devant lui, un homme couvert d'un vieux paletot marchait la tête basse et avec un air d'accablement que Frédéric se retourna pour le voir. L'autre releva sa figure. C'était Des Lauriers. Il hésitait. Frédéric lui sauta au cou.